Interlude. Les Nils. Abdalis. Un monde qui n'avait jamais été charmant. Toujours couvert de nuages brunâtres et agités, comme si les marées de la surface avaient essayé d'échapper à la gravité de la planète. À présent, elle paraissait plus disgracieuse encore que jamais. L'impact orbital avait répandu un immense nuage d'eau et de terre vaporisée dans l'air, et les particules, en grande partie ionisées, provoquaient de terribles orages dont les traits de foudre lardaient l'atmosphère de la planète. L'endroit ressemblait à une sorte d'enfer. Un convoi de 6 cargos sortit du système, loin de la planète ravagée. Il transportait les familles complètes des employés de Garello Technologies, une entreprise de milieu de gamme basée dans le district de Keftia, qui s'intéressait à la recherche et à la fabrication de matériaux. En dehors de ses passagers, les soutes contenaient le produit des recherches essentielles de la société, ses machines et ses ressources financières. On avait tout chargé à bord des 6 appareils pour les mettre à l'abri pendant que la catastrophe suivait son cours sur Abdalis. L'effort immense avait pris toute la journée et la nuit qui avait suivi l'impact. Le directeur général Larenz Garello avait confié les autres vaisseaux de son entreprise au gouvernement abdalisien pour permettre l'évacuation. Mais il avait choisi de prioriser la sauvegarde de son personnel et de son affaire. Beaucoup de gens comptaient sur Garello Technologies. Et il voulait s'assurer qu'une fois la crise apaisée, tous ceux qui avaient remis leur sort entre ses mains en sortiraient sains et saufs. Qu'ils travailleraient toujours pour une entreprise capable de réaliser les idées et les produits assurant la subsistance d'une population considérable. Beaucoup d'entrepreneurs abdalisiens de même importance se moquèrent de Larenz en raison des dépenses considérables engagées pour déplacer temporairement sa société hors monde, mais ils n'en avaient cure. Les oligarques et multimilliardaires se préoccupaient davantage d'une seule poutre de duracier dans leurs usines que des ouvriers qui y travaillaient. La reine était riche, certes, mais uniquement parce que ses honnêtes employés se donnaient à 100% pour lui. Et il allait prendre soin d'eux jusqu'au dernier. Ça oui. Le convoi se dirigea vers la bordure du système où il devait s'arrêter et patienter le temps de voir comment évoluait la situation. Mais avant que les appareils n'arrivent à destination, ils croisèrent un phénomène étrange. Il ressemblait à un orage, ou peut-être à un nuage orageux. Un énorme tourbillon de vapeur bleu-gris, au beau milieu de l'espace, dense et menaçant, en plein sur la route du convoi. De vagues lueurs en émergeaient par intermittence, comme des mouches de braise survolant les marais d'Abdalis au crépuscule. L'appareil de pointe, l'arbitrage, était dirigé par un schiste havanéen à la fourrure sombre du nom d'Odaba, un assistant solide et compétent qui travaillait pour Garello Technologies depuis plus d'une décennie. Il scanna le nuage, mais les senseurs ne trouvèrent aucun résultat probant. Le capitaine donna donc ordre à tous les vaisseaux de dévier de leur trajectoire et de contourner la chose quelle qu'elle fût, par sécurité. Mais la sécurité n'existait pas. N'existait plus. Le nuage s'illumina. Un immense trait d'énergie torturée en jaillit et frôla l'arbitrage pour frapper un autre appareil du convoi, le Maris Diligence, baptisé en l'honneur de la mère de Larenz Garello. Le vaisseau brilla un instant, nimbé de flammes phosphorescentes, puis il s'assombrit tandis que tous les éclairages extérieurs s'éteignaient sur sa coque et que les moteurs s'arrêtaient. Le Maris Diligence commença à dériver loin du reste du convoi, tous ses systèmes manifestement coupés. Le capitaine Odaba ordonna aux autres de lever les boucliers et de se préparer au combat, mais tous étaient des cargos et non des cuirassés. Et dans cette évacuation précipitée de la planète, on n'avait pas affecté de chasseurs d'escorte au convoi. Les vaisseaux étaient quasiment désarmés, pourvus seulement de quelques canons laser chacun. Il y eut un deuxième éclair venu du nuage, puis un autre encore. On ne pouvait plus les considérer autrement que comme des traits de foudre, d'énormes rafales d'énergie à une échelle difficilement concevable. Chacun atteignit une cible au sein du convoi de Garello. Grâce aux boucliers déployés, ils n'immobilisèrent pas les appareils comme cela avait été le cas pour le Maris Diligence, mais entamèrent malgré tout les défenses de chacun d'entre eux. Chaque éclair avait illuminé l'intérieur du nuage, et l'espace d'un instant, les occupants du convoi avaient aperçu ce qui les attendait. Des vaisseaux. Beaucoup de vaisseaux. Comme s'ils avaient attendu la troisième frappe pour agir, les appareils qui se cachaient dans l'étrange nuage en jaillirent telle une nuée d'insectes vrombissantes et agressives. C'étaient des machines hideuses, dépourvues d'élégance, hérissées de pointes disposées sans logique apparente. Ils ressemblaient à des instruments conçus pour battre quelqu'un à mort. La plupart étaient mono ou biplaces, mais d'autres les accompagnaient, plus grands, tandis qu'au centre du nuage attendait un vaisseau beaucoup plus volumineux. Il semblait au moins aussi vaste que l'un des cargos du convoi, mais il ne s'agissait pas d'un transport. C'était une construction cruelle, conçue pour la guerre, pour la destruction. Tous ces vaisseaux, quel que fussent leur aspect et leur taille, présentaient deux éléments communs. Trois marques de couleur vive au flanc, comme une peinture de guerre, et un curieux module fixé à leur moteur, un filet de métal au but inconnu qui ressemblait à une demi-lune remplie de flammes vertes et bouillonnantes. Les tirs de laser fusèrent depuis les cargos du convoi, filaments anémiques en comparaison de la menace qu'ils affrontaient. Il y avait tant d'ennemis. La nouvelle se répandit parmi le personnel de Garello Technologies et l'équipage des convois. L'espoir mourut, remplacé par la panique et la terreur. Ils avaient vu les éclairs frapper et l'emblème des vaisseaux, et ils pensaient avoir identifié leurs agresseurs. Les Nihils. Le capitaine Odaba donna l'ordre de battre en retraite, de faire volte-face et de retourner sur Abdalis. Il savait que cela ne servira à rien, mais ce serait toujours mieux que se battre, et peut-être que quelques-uns des vaisseaux arriveraient à se mettre à l'abri. Les Nihils. Un an auparavant, ni la reine Sgarello, ni le moindre de ses employés n'avaient entendu parler d'eux. Mais ces derniers mois, ce nom avait acquis un caractère presque mystique dans toute la bordure extérieure, comme celui d'une épidémie ou d'un prédateur contre lequel toute fuite, toute résistance devenait futile. Les Nihils étaient des pillards, des voleurs, des meurtriers, des ravisseurs. Ils pouvaient arriver partout, à tout moment, surgissant de nulle part. Ils opéraient dans l'espace, sur les planètes, dans les villes ou en pleine nature. Ils se déplaçaient comme des spectres et tuaient comme des démons. On ignorait s'il s'agissait de véritables monstres ou s'ils se comportaient simplement avec une monstrueuse sauvagerie. Le peu que l'on savait sur eux ne pesait pas grand-chose face à ce que l'on ignorait. Les informations les plus importantes à leur sujet tenaient en peu de mots. Ils prenaient ce qu'ils voulaient et détruisaient le reste. Et s'il arrivait qu'on entende le récit de quelqu'un qui leur avait survécu, personne ne rapportait avoir réussi à les repousser. Une considérable quantité de vaisseaux ennemis entourait le Maris Diligence neutralisé. Ils tournoyaient autour de l'appareil d'une façon à la fois chaotique et coordonnée, comme des insectes ailés rôdant autour d'un cadavre sans jamais se percuter entre eux. Les vaisseaux d'assaut des Nihils lancèrent des projectiles. Il ne s'agissait ni de lasers ni de missiles, mais de sortes de harpons qui s'enfoncèrent profondément dans la coque du cargo sans bouclier ni défense. Dans un même mouvement, les appareils des Nihils pivotèrent à 180 degrés, tournant leur propulseur vers le Maris Diligence. Ils démarrèrent. De longues flammes jaillirent de leur moteur et ils tirèrent sur les câbles reliés à leur proie. Depuis la passerelle de l'arbitrage, la reine Sgarello assistait au spectacle horrifié, en pensant aux passagers du vaisseau, à ses milliers de passagers, à leur famille. Il leur avait demandé de venir avec leur famille en affirmant pouvoir les protéger. Le Maris Diligence se disloqua. Il n'explosa pas, en dehors de quelques vagues flamèches çà et là, sans doute parce que ses systèmes avaient cessé de fonctionner après le premier tir adverse. Quoi qu'il en soit, il se brisa en morceaux, exposant à l'espace toutes ses coursives et ses entrailles. De petits objets et des débris entamèrent des spirales dans le vide, et Larenz Garello, directeur général de Garello Technologies, comprit que certains de ces objets étaient ses employés. « Continuez de tirer !» cria le capitaine Odaba à son équipage. « J'ai demandé de l'aide à Abdalis, et ils en verront ce qu'ils peuvent. Il faut juste qu'on tienne le coup. » La reine, ce n'était pas militaire, mais même lui se rendait compte que ses mots sonnaient creux. Une catastrophe à l'échelle planétaire ravageait Abdalis. Le gouvernement, corrompu et inefficace après avoir satisfait sur des générations les besoins de tous ces oligarques et multimilliardaires, n'aurait peut-être même pas envoyé quiconque à leur secours s'il en avait été capable. Une nouvelle rafale de larmes foudroyantes émana du plus grand appareil de la troupe des Nihils, le croiseur de guerre situé en son centre. Elle toucha un autre cargo qui se figea, tout système coupé, comme le Mare's Diligence avant lui. Les membres du convoi supposèrent que ce vaisseau allait lui aussi être taillé en pièces et pillé par ces charognards de Nihil. Les ennemis entourèrent bel et bien le transport neutralisé et les câbles jaillirent de nouveau. Mais cette fois, un phénomène différent se produisit. Le réacteur n'avait peut-être pas entièrement cessé de fonctionner, ou peut-être avait-on commis une autre erreur, mais le vaisseau explosa. Une sphère de lumière blanche enveloppa le vaisseau de Garello Technologies ainsi que nombre des appareils des Nihils qui l'entouraient. Et même si le cœur de Larenz Garello se déchirait une fois encore devant la disparition d'autres membres de son personnel, un élan de triomphe sauvage l'envahit lorsqu'il songea qu'au moins ils avaient emporté avec eux quelques-uns de ces salauds. « Ils sont en train de nous aborder !» annonça le capitaine Odaba d'une voix grave tout en fixant les voyants d'urgence qui clignotaient sur ses écrans. « J'ouvre les placards d'armurerie. Nous n'avons pas assez de blasters pour tout le monde. Tous ceux qui disposent d'une expérience militaire ont la priorité. Quant aux autres, trouvez de quoi vous défendre. » Il se retira de la console de commande pour se diriger vers l'annexe du pont où l'on conservait l'arsenal limité du cargo. Avant qu'il ait fait deux pas, l'écoutille de la passerelle sortit de ses gonds, comme si un géant venait de l'enfoncer d'un coup de pied. Propulsée à travers le pont, elle percuta l'une des femmes d'équipage et la tua sur le coup. La clatwinienne mourut sans un bruit. Trois grenades blanches jaillirent du corridor extérieur. Avant même de toucher le sol de la passerelle, elles explosèrent en dégageant un gaz épais, dense, d'un gris bleuté. Ce fut instantané. Les occupants du pont qui respiraient sans difficulté la seconde d'avant eurent l'impression de se perdre dans le brouillard ou dans un nuage d'orage. Larenz Garello tenta de retenir son souffle, mais le choc des événements avait précipité son rythme cardiaque et il n'était plus tout jeune. Il aspira une bouffée d'air, mais il ne s'agissait pas d'air et son métabolisme réagit instantanément au poison. Il levait les yeux vers l'écoutille d'où les Nihils pénétraient sur le pont. Il les vit tandis que sa vision se brouillait peu à peu, aperçut les masques qu'ils arboraient et comprit que leur nature réelle importait peu. Ces pirates voulaient que la galaxie les considère comme des monstres. Larenz Garello prit une ultime inspiration brûlante et sut qu'il ne ferait pas partie de ces rares personnes à avoir survécu à une rencontre avec les Nihils.